Chapitre 6e, étude. Fouinard, pour étudier les notes du docteur, était sorti de son lit de façon à s'y pouvoir blottir immédiatement en cas d'alerte. Le jour baissait. Toto s'approcha de la fenêtre et lut attentivement. Les domestiques étaient au nombre de 3. Sylvain, Albaret et une femme de chambre, Julia, qui du service de la morte était passée à celui de Berthe. Sylvain et Albaret, dans la maison depuis le mariage du docteur, c'est-à-dire 7 ans. Existence insignifiante, bon gage, pas buveur, surtout indifférent à tout, sinon au moyen de faire leur pelote. Voleurs très relativement, des serviteurs convenables, presque exceptionnels. Julia, la femme de chambre, 24 ans, était entrée au service de Lucille 4 ans après le mariage, c'est-à-dire 1 an avant sa mort. Service à peu près correct. Aucune intrigue connue. Sinon, peut-être, et rien n'était moins certain, avec Gustave, le fils de Madame Valadier et le frère de Berthe. En tout cas, cette liaison, si elle avait existé, avait très peu duré et n'avait causé aucun scandale. Coquette, oui, mais sans excès. Assez laide, mais ayant un certain goût, tant pour sa vie soi-même que pour les autres. Était d'aussi bon service auprès de Berthe qu'elle l'avait été auprès de Lucille. Signe caractéristique, extraordinairement poltronne. Restait maintenant la famille Valadier. Fouinard étudia soigneusement les dates. Lucille, 1880, naissance. 1882, 84, mort de son père et de sa mère, laissée sans un sou, recueillie par Madame Valadier. 1901, mariage avec le docteur qui la prend sans dot. 1903, fortune du docteur Tozanne. 1906, mort subite de Lucille. 1908, découverte du clou, visite à Fouinard. Berthe, 1880, naissance. Un an de moins que son frère Gustave. 1880 et année suivante, fortune apparente des Valadier. 1903, mort de M. Valadier et ruine complète. 1904, Madame Valadier vient habiter avec sa fille et son fils le pavillon voisin. 1905, paralysie nerveuse de Madame Valadier, son fils la quitte. 1906, Berthe prend la direction de la maison du docteur. 1908, interrogation. Fouinard, ayant établi ce petit tableau, passa au sieur Gustave Valadier. Né 1879, pension, collège, élève détestable, cependant bachelier, 1899. Le docteur Tozanne, par ses relations, le fait exempter du service militaire. De cette date à 1905, fait son droit dans les brasseries. Entre alors chez le notaire du docteur, y reste jusqu'en 1906, un mois avant la mort de Lucille. Il s'était à cette époque réconcilié avec sa mère. Depuis cette époque est descendu, dit-on, dans les pires bas-fonds. Ne reparaît plus que pour taper sa sœur ou sa mère. Très violent, très brutal. On a entendu des discussions avec sa mère, avec insultes et menaces. Capable de tout. Madame Pauline Valadier, née Blanchot, 1850. Fille de grand menuisier du faubourg Antoine. Mariée à 25 ans après la mort de ses parents. 1875, épouse Valadier, qui était le premier commis de son père et qui reprend la suite de ses affaires. Maison très importante, gros chiffre d'affaires, au Mouton d'Or. Vie très confortable. Appartement luxueux, maison à la campagne et à la mer. En 1882, à la mort des parents de Lucille, dont le père, M. Blanchot, était son frère, Madame Valadier la recueille chez elle. Elle est élevée avec Berthe, mais toujours dans un état d'infériorité. Berthe était considérée comme l'héritière d'une grande fortune et Lucine comme la parente pauvre. Madame Valadier, excusable d'ailleurs, n'a de passion que pour ses 2 enfants. Lors d'une maladie de Berthe, une fièvre typhoïde qui avait failli l'emporter, Madame Valadier avait voulu se tuer. Le docteur Tozanne fit plus tard la connaissance de Lucille à la campagne des Valadier. Ne réussissant pas alors à se faire une place dans le monde médical, il songeait à s'installer médecin dans une petite ville de province. Lui et Lucille s'aimèrent. Madame Valadier avait peut-être eu quelques projets sur le docteur, mais elle les avait bien vite abandonnés quand elle avait connu sa véritable situation. Aussi n'avait-elle fait aucune objection au mariage. En 1903, Valadier était mort, ruiné, laissant sa famille sans ressources et Berthe sans dot, tandis que subitement venait au docteur Tozanne la notoriété et la fortune. Le docteur, reconnaissant Madame Valadier de ne s'être pas opposée à son mariage avec Lucille, lui prouva sa gratitude en l'installant auprès de chez lui, avec sa fille, et subvint presque complètement à leurs besoins. Madame Baladier, très orgueilleuse, eut grand chagrin de ce qu'elle considérait comme la pire des humiliations, et cet état de conscience détermina chez elle une neurasthénie qui se manifesta par une paralysie nerveuse. Quand Lucile mourut, Madame Baladier en éprouva une douleur profonde qui augmenta son intimité avec le docteur. Berthe, qui ne s'était pas mariée, prit naturellement, au point de vue des soins à donner à la maison du docteur, la place de sa femme. L'état de M. Baladier devient meilleur grâce au traitement institué par le docteur, mais elle peut encore difficilement marcher. Caractère de Madame Baladier. Assez dure, autoritaire, était dans son ménage ou plutôt se croyait reine et maîtresse. A élevé sa fille dans les principes d'obéissance passive, très énergique, ayant sa maladie, d'une activité extraordinaire, même au point de vue physique, très habile de ses mains en raison de son éducation de jeunesse dans ses ateliers de la maison du Mouton d'Or, a construit elle-même la plupart des meubles qui garnissent le pavillon qu'elle habite, passionnée pour ses enfants, adorant même ce Gustave qui ne lui a donné que du souci. Caractère de Berthe Baladier, très douce, très bonne, un peu trop passive même, résultat de l'influence maternelle, femme d'ordre, aucune vanité, aucune ambition, convaincue qu'elle ne se mariera pas. « Vois-tu, Justine, disait Toto à sa canne, tu as beau faire la maligne, en tout cas tu ne vois goutte, ni moi non plus. Eh oui, je sais bien, il y a des idées qui te viennent, mais sur quoi te bases-tu? D'abord, Justine de mon cœur, as-tu bien compris ceci? C'est que ce bon docteur, qui croit n'adorer que le souvenir de sa pauvre Lucile, est absolument amoureux de la très jolie et très aimable Berthe, ce qui n'a rien que de très naturel. Et il allait certainement lui parler conjingo quand la découverte du clou, du crime, l'a complètement désemparé. Il n'y a pas à dire, mon bel ami, c'est un sale crime, lâche, odieux, et qui, sauf incident que je ne prévois pas, a été commis par quelqu'un de la maison. Par Berthe? Je l'ai vu, je n'en crois rien. Par Madame Baladier? Mais au moment du crime, elle était paralysée, clouée dans son fauteuil. Reste le nommé Gustave, qui m'a tout l'air d'une franche canaille. Mais pourquoi? Pour se venger d'une rebuffade, peut-être? Peu vraisemblable. Pour que Berthe épouse Todane et qu'il puisse l'ingruger à son aise, c'est bien tiré de longueur. Ma petite Justine, tu as entendu et tu ne dis rien. Tu as raison, c'est le plus sûr moyen de ne pas dire de bêtises. Là-dessus, nous allons nous recoucher et tâcher de faire un somme jusqu'à minuit, heure où monsieur le chirurgien nous fera faire le tour du propriétaire. Il laissa sa lampe allumée et se glissa dans son lit. Dans le premier sommeil, il lui sembla entendre prononcer son nom. Il tressauta et écouta attentivement. C'était le Watman qui parlait en bas dans le jardin sous sa fenêtre. « Je savais bien que je connaissais ce particulier-là. Voyons, Sylvain, vous êtes bien allé au Châtelet. »« Moi, répondit la voix du jardinier, je ne vais au théâtre qu'une fois par an, à la Comédie-Française pour voir M. Mounet-Sully. »« Vous m'embêtez, prononça Jean, le Watman. Moi, j'aime rigoler. Je vais à Cluny, au Folle-Drame, au Châtelet. » Et je vous dis que mon blessé d'hier, qui s'affichait devant ma bête, c'est Passepartout, oui, le Passepartout du tour du monde, Toto Fouinard. Voyons, vous, Julia, vous ne connaissez que ça. Oui, oui, je sais bien, moi, fit une voix flattée, celle de la femme de chambre de Berthe Baladier. Je l'ai vu, même qu'il avait aidé la police à découvrir je ne sais quel crime, et qu'on criait dans la salle « Vive Toto !» Tiens, je vais raconter ça, madame, ça l'amusera. Oh, fit Alvaret. « Celle-là se fiche bien du théâtre. » Les voix s'éloignèrent. « Bon, Blanc, » fit Fouinard, « je suis reconnu. Voyons, est-ce bon, est-ce mauvais? Justine, qu'est-ce que t'en dis? Tu dis, pas si mauvais que ça? Hé hé, tu as peut-être raison. » À minuit, le docteur rentrait dans sa chambre et Fouinard sautait à bas du lit, s'habillant en deux temps.